une histoire particulière. Après 4 romans et 10 millions d'exemplaires vendus, la saga d'Elena Ferrante continue son chemin entre adaptation pour la télévision et traduction. La fiction de France Culture a voulu participer pleinement de cet essor fantastique avec les moyens du feuilleton qui permettent de raconter l'histoire des héroïnes Elena et Lila, mais aussi de faire entendre la langue magistrale d'Elena Ferrante. Au moment de payer, j'aperçus mon roman sur un rayonnage et détournai aussitôt les yeux. À chaque fois que je voyais le livre dans une vitrine, parmi d'autres ouvrages qui venaient de sortir, j'éprouvais un mélange de fierté et de peur, un pincement de plaisir qui se transformait en angoisse. Maintenant, c'était moi qui étais exposée là, ce qui m'oppressait violemment. L'énigme Ferrante en quête d'auteur. Delphine Chaume, Marie-Laure Ciboulet. Une question à lui poser. Comment elle s'est remise de cette affaire? Est-ce qu'au fond, ça a été... Est-ce que ça l'a amusée? Parce que ça, je ne sais pas du tout. Qui a inspiré Lila? Il y a sûrement une très grande invention. Mais qui a inspiré Lila? Je veux savoir qui a inspiré chaque personnage. Qui dans sa vie? Voilà, des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Mais des questions les plus banales. Bien, j'aurais pas de questions à lui poser, mais je lui demanderai de me promener avec elle dans Naples. Il y a évidemment beaucoup de jeux là-dedans. Dans le jeu de se cacher, etc. Et c'est un peu comme dans le jeu du cache-cache. Le jeu du cache-cache, c'est quand même désirer aussi très profondément être découvert. Enfin, l'angoisse de l'enfant, c'est qu'on le laisse dans le placard. Qu'il n'y ait personne qui vienne ouvrir le placard. Là, c'est encore pire que d'être trouvé tout de suite. Lorsque je me suis mise à lire la saga d'Elena Ferrante, je ne m'attendais pas au soubresaut que ces romans provoqueraient en moi. Tout d'un coup, je me suis retrouvée violemment assaillie par des sentiments oubliés, des scènes enfouies de mon adolescence en ressurgit, ainsi que le visage de mon amie prodigieuse. Comment cette femme parvenait-elle à provoquer une telle identification, si forte que les contours des romans disparaissaient? Qui avait donc un tel pouvoir? D'Elena Ferrante, on ne sait rien, ou presque. Depuis plus de 20 ans, elle écrit en italien des romans sous pseudonyme, romans dont le succès international va croissant. Les romans de Ferrante déploient toute une palette de femmes, violentes, soumises, irréductibles, passionnées, blessées. Et dans la saga de l'amie prodigieuse, la destinée de Lila et Elena. Autant de pièces d'un puzzle à assembler pour dénouer l'énigme du pseudonyme. Des identités multiples au cœur desquelles l'auteur peut devenir l'écrivain idéal. Qu'est-ce qui pousse un écrivain à rester dans l'ombre, à brouiller les pistes, à vouloir à ce point laisser le livre parler pour soi? J'écris pour effacer mon nom, disait Bataille, dessinant ainsi une figure de l'auteur travaillant l'art très subversif de disparaître. Hector Bianciotti, qui dirigeait dans la maison tout le côté italien, un jour, on me dit, tu connais, on en dit du bien, on ne sait pas trop, ce roman d'une certaine Elena Ferrante. Jean-Noël Schifano. Et c'était L'amore molesto, c'est-à-dire l'amour, que j'ai traduit, l'amour harcelant. Moi, je lui ai dit, écoute, je l'ai lu, et c'est un très bon roman. C'est vraiment un rendu viscéral de la réalité napolitaine par une femme. Sans aucun doute par une femme, pour moi ça n'a jamais fait aucun doute. Et il m'a dit, bon, bah si tu veux, tu le traduis. J'ai dit, ok, et je l'ai traduit. Mais non seulement j'ai fait ça, mais je dirigeais le prix Elsa Morante en Italie, à Procida, à l'île d'Arturo. Et j'ai proposé le prix Elsa Morante à la première œuvre pour L'amour harcelant, qui est son premier roman. Et elle m'a envoyé, et à tous les membres du jury, une lettre de remerciement qui est très intéressante parce que elle éclaire cette lettre de remerciement, elle éclaire en quelque sorte et le livre et l'œuvre qui va suivre. Alors elle adore Elsa Morante et d'ailleurs elle a pris son pseudonyme sur le son Elsa Morante, Elena Ferrante. Et ce qu'elle retenait dans l'œuvre d'Elsa Morante, c'est que les mères étaient déformées, les mères étaient mal habillées, elles n'étaient plus des femmes. Et à partir de ce corps déformé des mères, elle se demandait si, dans sa réponse et dans ses remerciements, si il fallait pas coudre directement le tissu et les robes, les vêtements sur la peau des mères pour qu'elles soient, elles redeviennent femmes. Et c'est cette déperdition de l'être femme en l'être mère qui s'est développée. Et dans ses romans qui ont suivi, la femme qui raconte à 66 ans, pour l'amie prodigieuse, l'amie qui est géniale et l'amie géniale, prodigieuse, à 66 ans, et elle revient sur ses années d'enfance, etc. Le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est L'amie prodigieuse. Catherine Cusset. En anglais, complètement par hasard. Et je vis à New York. Donc j'étais allée à une petite foire du livre à Brooklyn. Et donc je me promenais dans les stands. Il y avait le stand d'Europa, qui est un éditeur intéressant parce qu'il publie pas mal de traductions. Vous savez, c'est très rare les traductions aux États-Unis. Donc du coup, je me suis arrêtée devant Europa en me demandant ce qu'il publiait. Puis l'éditeur était là. Je lui demandais conseil. Donc Sandro Ferri. Donc j'ai commencé à regarder et j'étais attirée par la couverture du livre. Un peu rosé bleu, vous savez, vous voyez la couverture en anglais, il y a une sorte de coupe, je sais plus très bien ce qu'il y a dans sa première couverture, mais c'est très attirant, il y avait une espèce d'image un peu idyllique. Je l'ai retournée et je sais pas exactement ce que j'ai lu, mais j'étais suffisamment convaincue par le résumé de l'histoire, et donc j'ai pris celui-là. Ça a été une très très belle surprise. Il paraît que la traduction en anglais est excellente. Il y a même certains qui ont dit que c'était comme vraiment une nouvelle réécriture, elle peut être très très bonne. En tout cas, j'ai adoré ce livre. Et donc, je sais plus, mais je pense qu'apparu très très vite après le deuxième volume, probablement en janvier, et à l'automne suivant, le troisième, et le dernier, c'était en fait maintenant, il y a plus d'un an, il y a un an et demi, je crois, le quatrième. Et donc, j'ai à chaque fois attendu. Et ensuite, en anglais, donc à New York, après avoir lu les deux premiers volumes, c'est vraiment les cadeaux que j'ai fait aux gens. Je leur ai, mes amis, j'avais envie qu'elles connaissent, et donc je leur ai envoyé volume 1, volume 2, à au moins 4 ou 5 de mes amis, et elles ont beaucoup aimé. Et alors, à ma surprise, quand il a paru en français 2 ans après, j'en ai évidemment parlé à, j'ai dit ça sort en français, j'en ai parlé à tout le monde, et je l'ai donné à plusieurs personnes, et il n'y a pas eu le même écho sur le moment. J'étais très surprise. Bon, ma mère, qui a beaucoup de goût commun avec moi, l'a laissé tomber. Elle m'a dit qu'elle s'ennuyait un peu. Je comprenais pas du tout. Elena Ferrante a avuto in Italia un successo molto precedente. Tita Fiore. Le succès de Ferrante est bien antérieur à la tétralogie. Il date de la publication de ses premiers livres, à tel point que deux d'entre eux ont été adaptés au cinéma. I giorni dell'abbandono. L'amour harcelant et les jours de mon abandon. Ces films ont à leur tour eu du succès et ils ont amplifié le succès de ses romans. Célébrité d'Elena Ferrante. Et naturellement, sur l'onde de ce succès, soutenu anche dalla curiosità. Et avec ce succès, bien sûr, est née la curiosité et le mystère autour de l'identité de Ferrante. Sempre chiesti chi fosse Elena Ferrante e questa curiosità ha alimentato. Et ce mystère a nourri la renommée de Ferrante. Della scrittrice. E tutto questo è esploso con la Et cette popularité a explosé à la publication de l'Amie prodigieuse. E un successo che dall'Italia si è riverberato all'estero quando hanno cominciato a uscire i libri tradotti in Europa, in America, e un successo inaspettato anche perché la domanda. Ces livres ont alors été traduits en Amérique, en Europe, et ça a été un succès très inattendu. Voglio dire, come dei libri. Parce que cela soulève une question complexe. Identitari possano suscitare l'attenzione, la curiosità di ambienti culturali totalement. On se demande comment des livres qui révèlent une identité très forte peuvent séduire des cultures totalement différentes. Ferrante Mania, Ferrante Fever. Ça a explosé au troisième volume. Vraiment, tout à coup, partout. Tous les journaux, tous les magazines. Et alors, le quatrième, je ne vous dis pas, il y a des tables entières dans les quelques librairies qui restent. Elena Ferrante, vraiment. Elle est... Et alors, tout le monde sait qui elle est. Enfin, je dis tout le monde, c'est vrai que je vis à New York. Et que je sais pas, peut-être que j'exagère, quoi. C'est peut-être pas le cas. Mais enfin, on sait qu'on, voilà, on sait qu'elle a vraiment un succès phénoménal. Non, moi, je crois que c'est vraiment une eau de torrent. C'est tous ces gens qui se sont mis à lire et à aimer, c'est tout. Et donc, au bout d'un moment, de différentes sources, ça conflue. Et tous ces journalistes, et beaucoup, beaucoup de journalistes femmes, je pense. Je me demande si les femmes plus que les hommes, je sais pas très bien, mais beaucoup, beaucoup de femmes ont énormément aimé cette série. Et quand on se met à en parler de tous les côtés, ben voilà, ça, au bout d'un moment, ça devient manifeste. Et ça est devenu manifeste au moment du troisième volume, parce qu'un livre paraît, on en parle, mais après ça s'éteint, ça meurt de sa belle mort. Un deuxième, on en reparle. Donc c'est le fait qu'il y ait une troisième parution qui tout à coup la ramène dans l'actualité. Et en plus très rapidement. C'est-à-dire c'est littéralement en 2 ans, je pense. Et les 4 volumes en 3 ans. C'est très très rapide. Je pense qu'elle a dû tout écrire d'abord. Je sais pas, j'aimerais bien lui demander sa recette. J'aimerais bien. Justement, j'ai une belle histoire d'amitié à raconter aussi. Ça fera un peu copie d'Elena Ferrante. Le succès, qui est un succès mondial, américain, d'abord peut-être, et puis mondial, c'est que c'est une femme qui parle des femmes et qui le fait d'une façon tout à fait intime, viscérale, nécessaire. Et dans une ville qui révèle le corps, Naples, une ville qui révèle le corps. Et ça, c'est essentiel. À partir du moment où elle a touché juste, c'est pas le mystère de sa personne. Les lecteurs, les millions de lecteurs, en folio, on a peut-être vendu 600 000, hein, je veux dire. Donc ces centaines de milliers de lecteurs veulent la suite, veulent les personnages. Ce qui passionne les gens, c'est l'histoire de Lila et de Elena. La scrittura di Elena Ferrante ha una seduzione. La séduction du style d'Elena Ferrante provient du rythme et du caractère immédiat de ce qui se passe pour les personnages. Ti fa entrare nella vita di un luogo. Le lecteur est plongé dans leur quotidien, immergé dans leur vie. Bon, j'aime tout simplement énormément son écriture. Et c'est pas toujours le cas avec le roman, parce que je trouve que le roman, j'aime beaucoup le roman, hein. Je suis une grande lectrice de vrais romans, même si moi, mon écriture peut être parfois autobiographique. J'aime vraiment énormément le roman, mais je trouve que la difficulté du roman, c'est de créer un univers, de totalement le recréer, de le rendre vivant, et surtout des personnages qui soient à la fois vivants, qui soient complexes, et auxquels on puisse, s'intéresser, s'identifier. Et je trouve qu'Elena Ferrante, elle a vraiment un don pour créer un univers et des personnages très complexes. En déroulant la fiction en dehors du texte même, en faisant de l'auteur une énigme dans laquelle on peut plonger comme dans un roman, l'anonymat révèle la toute-puissance de la fiction. Dans ce jeu de cache-cache où tout le monde joue, on laisse libre cours à tous les fantasmes et les histoires les plus fantasques. Certains ont même fait appel à la technologie et créé un algorithme pour analyser les textes de Ferrante et en soutirer le mystère. Mais en vain. Un carnaval, en somme, où le plaisir consiste à tenter de deviner qui se cache sous le masque, tout en prenant garde de ne jamais vraiment le soulever pour préserver tout le pouvoir du déguisement, d'une rencontre improbable et surprenante, du désir. Non sono un critico letterario, ma un libraio, ma avendo letto il libro, Raimondo Di Maio. Trovo molte stratificazioni politiche, sociali. Je ne suis pas critique littéraire, je suis libraire. Mais je reconnais dans le livre beaucoup d'éléments politiques, sociaux, de la rue aussi. Beaucoup de points qui me permettent de penser qu'un des auteurs est un des amis qui me rend visite dans ma librairie. Anche se Elena Ferrante rimane Chiara Ghida. Même si c'est un pseudonyme, Elena Ferrante. Per me, l'autrice appunto. Selon elle, l'auteur est une femme, hein, disons, mais ça ne l'intéresse pas de savoir qui elle est. Molte cose si sono dette sull'identità di Elena Ferrante ed è diventato, come le diceva, un gioco di società. On a beaucoup recherché l'identité d'Elena Ferrante. Et c'est presque devenu un jeu de société nationale en Italie. Et surtout, à Naples, de tenter de savoir qui elle est. On a fait beaucoup d'hypothèses sur l'identité de Ferrante. On a avancé plusieurs noms. Molte ipotesi che il Elena Ferrante potesse essere un gruppo di autori. On s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'un groupe d'auteurs qui écrirait. In altre occasioni, come Wuming, per esempio, un gruppo di autori. Oppure che potesse trattarsi. Il y a également eu une rumeur selon laquelle il se serait agi de Dominique Starnone, un écrivain très connu et célèbre en Italie. Famoso, insomma, in Italia. Oppure ancora. Ou encore, on s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'un homme ou d'une femme. Io credo che Elena Ferrante sia. Mais je crois pour ma part qu'Elena Ferrante est forcément une femme. Si sono fatte delle indagini di recente, voglio dire, si è arrivati, si è detto molte volte, si è sospettato che potesse essere. On a ensuite pensé qu'il s'agissait peut-être d'Anita Raya, une traductrice, volte, la femme de Dominique Starnone. Si è detto che i libri, ou encore qu'il s'agissait du couple Anita Raya, Dominique Starnone. Starnone insieme. Poi ci sono stati dei giornalisti che hanno fatto delle. C'è stato un giornalista che ha fatto un'indagine patrimoniale. Un giornalista economico che ha enquêté sur le patrimoine d'Anita Raya. Et il en est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait bien d'elle. Avvicinandosi insomma ad un'ipotesi Anita Raya. Et plus les recherches avançaient, plus toutes les hypothèses convergeaient vers Anita Raya. La cosa importante. Mais tout de même, il ne faut pas oublier une chose. L'identité de celui qui écrit est secondaire. Ce qui est important, ce sont les livres. Et ce qui compte plus que tout, c'est qu'elle continue à écrire. Parce qu'Elena Ferrante a dit lors d'un entretien qu'elle ne pourrait écrire que tant qu'elle serait anonyme. Elle a conditionné l'acte d'écrire à celui d'être anonyme. Et ses livres sont tellement fascinants et magiques que les lecteurs veulent qu'elle continue d'écrire. Je pense qu'il y a quelque chose de politique dans le sens où c'est. Pierre Zaoui. C'est admettre que c'est plusieurs qui parlent, c'est-à-dire que c'est d'autres qui parlent, c'est une écriture comme même les grands bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge, bon, qui étaient quand même la plupart anonymes. C'est tenter de revenir à ça, c'est-à-dire c'est un peuple, c'est le peuple d'une ville qui crée la cathédrale, et c'est pas tel maître d'œuvre, c'est pas tel nom. Qui, je pense, est très nécessaire pour écrire, c'est de laisser parler tout un peuple à travers soi, ou une âme, on parlait des. Alors pour Elena Ferrante, il y a beaucoup d'influences. Je pense qu'elle est quand même très influencée là-dessus. Elle nomme Christa Wolf, elle en nomme d'autres, mais elle est aussi très influencée par ce mouvement des années 60, qui est un mouvement très politique, de disparition de l'auteur, sur la mort de l'auteur, par des gens comme Foucault, comme Barthes. Et là-dessus, par rapport à cette époque-là, aujourd'hui, on est quand même dans une époque de régression considérable. En octobre 2016, Claudio Gatti, un journaliste italien, décrète la fin de la fête et sort un scoop, qui sera repris simultanément dans plusieurs journaux de différents pays. Preuve fiscale et immobilière à l'appui, pour lui, il n'y a plus aucun doute, Ferrante et Raya sont bel et bien la même personne. Polémique violente, c'est l'affaire Ferrante. Elena Ferrante est de loin l'italienne la plus connue au monde. Où étiez-vous, vous qui êtes maintenant si indigné, lorsque je publiais toutes mes enquêtes? Celle sur la Camorra, celle sur la Cosa Nostra, ou celle sur les principaux trafiquants d'êtres humains qui contrôlent le trafic des migrants de l'Afrique vers l'Europe? Surtout, pour se justifier, le journaliste accuse Ferrante d'avoir entièrement falsifié ce que son éditeur présente comme une biographie. C'est un tissu de mensonges, ce truc. Dites-moi, vous êtes des journalistes. Bon, pas des journalistes d'investigation, mais vous, est-ce que vous faites la différence entre les mensonges d'une personne sympathique ou d'un grand écrivain et ceux d'un politicien de merde? Moi, non. Pour ce qui s'est passé dans l'affaire et cette série d'articles-là, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus dégoûtantes et crapuleuses et propres à l'époque. Il y a d'une part le désir un peu obscène de percer le secret, d'aller voir du côté du sale petit secret, pour parler comme Lawrence, enfin, Deleuze a beaucoup écrit dessus, c'est-à-dire d'aller voir, de se dire si la personne se cache, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Donc est-ce que c'est elle qui écrit? Est-ce que c'est son mari? Est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle prétend être? Donc, il y a vraiment, je crois, c'était très clair là dans ce journaliste qui a fait l'enquête, enfin, un désir de salir, un désir de rabaisser, ou un désir encore plus ridicule, de dire elle appartient aussi à ses lecteurs, c'est-à-dire de lui enlever sa souveraineté d'écrivain, ce qui est grave, hein, pas du tout démocratique, parce que justement la démocratie littéraire, c'est la souveraineté de chacun sur son œuvre, il faut la laisser. Donc cette idée que un auteur appartiendra à ses lecteurs, leur devrait quelque chose, non, je crois pas. Je pense que là-dessus, là, l'image d'Adorno, du livre comme bouteille à la mer, ça bosse beaucoup mieux, c'est une bouteille à la mer, et on peut la retrouver, mais l'enjeu, c'est pas d'aller retrouver celui qui a envoyé la bouteille, c'est d'essayer de regarder ce qu'il a écrit dedans. Donc il y a... À mon avis, il y a beaucoup de désir dans ce désir d'avoir accès à, de transparence. Il y a des formes pathologiques du temps. Et puis, il y a un désir qu'il y a de gens aussi. Enfin, faut voir comment la chose est sortie sous la forme du scoop, sous la forme de l'enquête, à partir des feuilles d'impôts, etc. C'est-à-dire ce qu'on fait ordinairement pour les mafieux. Il y a quand même un traitement, au fond, des écrivains qui écrivent sous pseudonyme, c'est comme les mafieux. C'est pareil, c'est comme Sarkozy et Kadhafi. Bon, enfin, c'est un peu comme ça qu'on l'a traité. Elle est restée muette devant les révélations, cette enquête qui est à charge. On a fait une enquête sur elle comme si c'était une camorriste. Je veux dire, un auteur, un artiste qui donne tant d'elle, c'est pas une coupable, c'est tout le contraire. Elle est là pour nous... En quelque sorte, si on prend le terme exact, pour nous purger de nos existences et pour qu'on augmente le prix et le poids de nos existences. Je crois que la première forme de résistance au totalitarisme, c'est ce que Jean-Christophe Bailly appellerait avoir une cachette. C'est le terrier, ou c'est le terrier de Kafka. C'est on peut à la fois, qui est compliqué, non, on a peur de sortir. Et en même temps, il y a des bruits au fond, c'est un petit peu dangereux. Mais on est dans cette position de terrier, et quelqu'un qui n'a aucune cachette, qui ne peut pas à un moment se protéger de la vue des autres, c'est une vie absolument terrifiante. De ce point de vue-là, je pense que tous les personnages publics, c'est pour ça qu'on voit pour les hommes politiques, pour les grandes stars de cinéma, ils sont quand même globalement à peu près tous emportés dans des structures psychotiques, à quelques exceptions près, parce que c'est des vies absolument impossibles. D'être sans cesse en train de se cacher, d'être sans cesse vu, d'être sans cesse poursuivi, d'être sans cesse... Et c'est une vie atroce. De ce point de vue-là, quelqu'un qui cherche l'anonymat, alors ce qu'on lui reproche à Elena Ferrante, c'est d'être entre les deux. C'est d'un côté, elle a le succès, et de l'autre côté, elle veut pas en payer le prix, c'est-à-dire prix de cette vie de décellement où on peut pas se cacher, on peut pas aller dans un café sans que personne vous voit, on peut pas être un prince dans la foule, pour parler comme Baudelaire. Et c'est ça qui est excitant, c'est l'anonymat, c'est-à-dire c'est le village. Et McLuhan parlait il disait qu'avec la télévision, les nouveaux médias, on allait devenir un village global, mais d'année ajoutée, on a beaucoup insisté sur global et pas beaucoup sur village. Et c'est quand même atroce, la vie de village. Dans la vie de village, il n'y a pas de littérature. Le narrateur de la recherche n'aurait jamais pu se mettre à écrire s'il n'avait pas quitté Combray. Pour moi, cette question du pseudonyme, j'ai lu cet été, enfin, le petit volume qui paraîtra sans doute un jour en français, qui s'appelle La Frantuma Alia, et qui est un volume de lettres et de textes écrits par Elena Ferrante assez tôt, hein, dans les années 80, à la fin des années 90, donc bien avant La Nuit prodigieuse, et en particulier sa lettre à ses éditeurs, Sandro Ferri et Sandra, je sais pas comment ça s'appelle, où elle justifie son choix du pseudonyme. Et elle dit à l'éditrice, vous m'avez demandé ce que j'allais faire pour la promotion de ce livre, L'Amore Molesto. Et elle a dit, mais enfin, j'ai déjà beaucoup fait, je l'ai écrit ce livre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui. Et je vous ai dit clairement que j'allais rien faire d'autre. Alors, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Si vous ne l'acceptez pas, je comprends parfaitement que vous ne me publiez pas. Et voilà, on en reste là. Je comprends, hein, c'est un choix que je fais. Mais par ailleurs, si ce livre a quelque chose à dire, les gens s'en apercevront, tôt ou tard. Et s'il n'a rien à dire, c'est que vous et moi, nous nous sommes trompés. Je lis ça, je me dis, avant, c'est la publication de son premier livre. Mais écoutez, je sais pas comment vous dire. Je suis dans une admiration infinie. Je sais que j'avais lu une fois quelque chose d'un autre auteur que j'aime énormément, qui est Annie Ernaux, et qui trouvait, elle, que ce choix de l'anonymat n'était pas admirable, si je me trompe pas. Et elle disait qu'un livre, ben non, au contraire, surtout si on est une femme, on doit le porter, l'accompagner, parler pour lui. Et je comprends, hein, le choix très militant d'Annie Ernaux, parce que c'est vrai que les femmes dans ce monde, comme écrivain ou comme autre chose, ne sont pas toujours bien traitées. Et en même temps, je pense que ce choix d'Elena Ferrante n'est pas du tout un choix, d'ailleurs, arrogant, hein, parce qu'on ne sait pas se deviner ce qui va arriver, mais c'est un choix qui vient d'un choix très personnel, un choix de vie. Je pense que c'est quelqu'un qui le dit, elle dit qu'elle n'a pas la force d'être dans les médias, d'être dans le public. Et donc, il y a un choix de préserver sa vie privée. Moi, je me suis tout de suite pensé, la femme qui a écrit cette lettre, elle a forcément plus de 30 ans. Elle a au moins 35 ans. À mon avis, elle, je sais pas, j'ai pensé, j'ai imaginé ça. Je me dis, elle a au moins déjà vécu une séparation. Elle sait ce que c'est que de perdre quelqu'un. Et donc, elle fait ce choix parce qu'elle fait un choix de vie privée. Et vraiment, je trouve que moi, au moins, j'ai pas la force de faire ça. Moi, j'ai envie d'accompagner mon livre. Vous voyez, je me compare à Elena Ferrante comme Elena se compare à Lila. Il y a un peu de ça. Donc, vous voyez que je suis exactement bien placée pour parler d'elle parce que c'est exactement le sentiment essentiel que j'éprouve, qui est l'envie. Et donc, je me dis vraiment, il faut avoir une force et une foi extraordinaire dans la littérature, dans la reconnaissance finalement posthume de la littérature. Je dois dire que ce qui n'a jamais perdu de son importance dans ma désormais longue expérience du retranchement, c'est l'espace de création qu'elle a révélé. Savoir que le livre, une fois achevé dans ses moindres passages, poursuivra son chemin sans que jamais ma personne physique ne l'accompagne, savoir que rien de l'individu concret n'apparaîtra jamais aux côtés du volume imprimé m'a dévoilé des aspects de l'écriture, certes évidents, mais auxquels je n'avais jamais pensé. J'ai eu l'impression d'avoir séparé les mots de moi-même. Mais le métier d'écrire est un métier solitaire, évidemment. On est seul dans un bureau. Dans la promotion, que ce soit en rencontrant les journalistes ou en allant dans des salons du livre, en rencontrant d'autres écrivains, il y a aussi quelque chose d'assez joyeux et d'assez léger et d'assez plaisant. Mais je pense que c'est pas une bonne chose d'être attiré par ça. C'est pas une bonne chose parce que vraiment, je suis convaincue que c'est le contraire de l'écriture. Et l'écriture, c'est non seulement être en soi, mais c'est être à des zones en soi qu'on n'atteint pas du tout de façon immédiate et qui peuvent vraiment uniquement naître du silence, de la solitude. Donc plus on fait de promotion, à mon avis, plus on retarde la possibilité d'entrer en écriture. Comme a detto la stessa Ferrante durante un'intervista che ha tenuto dans une interview qu'a donné Ferrante cette année, elle a dit que écrire c'est un acte d'orgueil. E quindi per questo ha sempre nascosto. C'est pour ça qu'elle s'est toujours, elle est toujours restée anonyme bien avant de devenir célèbre. D'altronde, non è una storia molto inconsueta. Ce n'est pas d'ailleurs une histoire inhabituelle pour les femmes. Quindi l'anonimato della Ferrante per me è una scelta di libertà. L'anonymat de Ferrante est un choix de liberté. Je pense que de ne pas savoir qui est Elena Ferrante, surtout maintenant qu'on sait qui elle est, est intéressant parce qu'il permet une projection du lecteur sur la narratrice Elena. Une totale liberté est laissée au lecteur d'imaginer qui est Elena. Alors que quand on sait que c'est une dame blonde, née dans un milieu bourgeois, avec un père napolitain et une mère allemande, quelque chose est modifié de la perception du livre, de la perception de ce milieu napolitain très violent. Il vaut mieux ne pas le savoir, il valait mieux ne pas le savoir. Le mois dernier, je suis allé deux fois à Naples. J'y vais très souvent, j'y ai vécu 16 ans. J'ai vu aucune discussion autour d'Elena Ferrante. Comme si, étant une des leurs, à l'origine, il n'y avait pas de questions à se poser. Après, chacun a le droit de mettre un masque. Vous mettez celui de Pulcinella ou vous mettez un autre masque. C'est la liberté. Chacun est libre de vivre comme il veut, surtout à Naples. Elena Ferrante avait pourtant averti les mauvais coucheurs. Elle écrivait dans un entretien que l'auteur, qui en dehors du texte n'existe pas, se livre à l'intérieur du texte, se greffe consciemment à l'histoire, s'employant à y être plus vrai qu'elle ne réussirait à l'être sur les photos d'un magazine ou lors d'une remise de prix littéraire. Rien ne servait donc de la chercher où elle n'était pas. Rien ne sert de la traquer dans le réel. En revanche, prendre le risque de plonger dans son œuvre, de s'engager à sa suite dans les lieux qui la hantent, de suivre les méandres de ses personnages et de la chercher à travers leurs destins brouillés et complexes, c'est bien, insatiablement, roman après roman, le choix que nous, ses lecteurs, ne cessons de faire. Peut-être parce que c'est là, dans ce seul et unique lieu de la fiction, que nous sera offerte la vraie proximité de celle qui réussit l'exploit d'incarner tout à la fois ce que nous fûmes et cette amie prodigieuse dont nous avons tant besoin.